Bonjour à tous. Bienvenue au lycée Charles Perriand. Savez-vous qui était celle qui a donné son nom à notre lycée? Découvrez comment Charles Perriand, pionnière du design moderne, a transformé ses idées novatrices en œuvres révolutionnaires. Pour plonger dans son incroyable histoire, scannez les QR codes tout au long de ce mur. Épisode 4. Le projet de la cité radieuse. En 1947, Charlotte Perriand revient après 6 ans passés en Asie. Le Corbusier l'a rappelé pour collaborer avec lui pour les projets de la cité radieuse à Marseille, qui a été construite entre 1947 et 1952. C'est sans doute l'un des projets les plus emblématiques du mouvement moderne et l'un des aboutissements les plus célèbres de la collaboration entre Charlotte Perriand et Le Corbusier. Ce complexe résidentiel, inspiré de principes révolutionnaires de l'urbanisme, incarne une vision de l'habitat collectif où chaque espace est conçu pour répondre aux besoins d'un mode de vie moderne, comme les cuisines ouvertes, dans lequel les femmes ne sont plus mises à l'écart. La cité radieuse est une unité fonctionnelle, modulaire, pensée pour maximiser l'espace et optimiser la qualité de vie de ses habitants. Charlotte Perriand a joué un rôle essentiel dans le design des intérieurs, notamment dans la création de mobilier et d'agencements intérieurs, qui contribuent à l'idée d'un habitat fluide et adaptable. Le vide, le pouvoir du vide, la religion du vide au fond, qui n'est pas le néant, pour nous c'est le néant, mais pour eux c'est la possibilité de se mouvoir. Le vide contient tout. Dans la cité radieuse, le vide, cet espace non occupé mais présent, joue un rôle central. L'architecture moderne et la cité radieuse en particulier cherchent à décloisonner les espaces, à les libérer de l'excès de détails décoratifs et à les ouvrir sur l'extérieur. Le vide permet à la lumière et au mouvement d'investir pleinement l'espace. Pour Charlotte Perriand, l'architecture n'est pas simplement une question de murs et de structures, mais aussi de ce qui se passe entre ces murs. Le vide est l'espace dans lequel les individus peuvent respirer, se protéger, devient un principe organisateur de l'espace. Un principe dynamique qui permet à la lumière et à l'air de pénétrer tout en offrant aux habitants un sentiment de liberté et d'ouverture. Charlotte Perriand a profondément marqué l'histoire de l'architecture et du design par sa vision humaniste. Elle a toujours cherché à enrichir l'expérience humaine en intégrant dans ses créations une attention particulière à la fonctionnalité et à l'esthétique.